Agar Stanley, détective tzigane, l'orfèvre Gossiome, tome 1er. L'arrivée d'Agar. Jacob Dix était prêteur sur gage, mais pas juif, malgré son métier et la consonance hébraïque de son nom de baptême. Il était si vieux que personne ne connaissait son âge réel, si grotesque que les enfants se moquaient de lui dans la rue, si avare que tout le quartier l'appelait Gripsou. S'il possédait des qualités cachées pour contrebalancer ses défauts visibles, nul ne les avait jamais découvertes, ni même n'avait pris la peine de les chercher. Jacob, bourru et peu communicatif, n'était certainement pas un individu enclin à encourager une curiosité non sollicitée. Dans son monde de piété, il vivait comme un ogre dans un château de contes de fées, et personne ne s'approchait jamais de lui, si ce n'est pour faire des affaires, pour se disputer pendant la transaction et pour le maudire à la fin de celle-ci. On peut donc deviner que Jacob négociait durement. Les shops, situés dans le Carbis Crescent à Lambeth, ressemblaient en outre à un château d'ogre, dans la mesure où, même s'il n'était pas rempli d'ossements humains, il contenait les reliques et les breloques de nombreuses vies, de nombreux ménages. Placé au centre du croissant miteux, la boutique faisait face à un petit espace ouvert et à l'entrée de l'étroite ruelle qui menait à la rue adjacente. Dans ses vitrines, couvertes de la poussière des années se succédant, un mélange hétérogène d'articles était exposé, allant des théières en argent aux casseroles bien usées, des montres en or aux fers à repasser rouillés, du ciseau de menuisier au miroir encadré d'ivoire à la mode. Le contenu de la vitrine de Dix représentait un peu le luxe, la mesquinerie, la trivialité et la décadence de la civilisation d'aujourd'hui. Il y avait aussi une certaine ironie dans la disposition des objets incongrus, car l'utile et l'inutile étaient placés à proximité l'un de l'autre et les futilités de la frivolité étaient mêlées aux nécessités de la vie. Ici, une figurine en porcelaine de Dresde, aux couleurs vives et délicates, patientait près d'une casserole en cuivre. Là, un poignard de la Renaissance aux manches d'argent reposait avec une vingtaine de ces couteaux de table bon marché que l'on réprouverait dans les restaurants de troisième ordre. La main bandée d'une momie pharaonique touchait une soucoupe d'agate contenant des pièces de monnaie usées de toutes les époques et de toutes les nations. Des montres, en rois alternés d'or et d'argent, pendaient au-dessus de temples fantastiques et de navires d'ivoire sculptés par de laborieux artisans chinois. Sur un carré de riche brocart tissé de soie multicolore, comme le plumage d'un perroquet, étaient empilés, dans une profusion insouciante, des médailles, des breloques, des bagues démodées serties de pierres précieuses et les frêles bracelets de verre des danseuses indiennes. Un petit meuble en laque japonaise noire, orné de figures grotesques dorées, des talismans en corail du sud de l'Italie destinés à conjurer le mauvais œil, des pipes turques ornées de bijoux et grossièrement serties de turquoise bleu, des bonnets géorgiens brodés d'or terni, des amulettes, des boucles d'oreilles, des bracelets, des tabatières et des broches en mosaïque de Florence, toutes ces frivolités étaient jetées les unes sur les autres et recouvertes d'une fine poussière grise. Épaves de plusieurs siècles, ossements desséchés de cent civilisations, mortes ou agonisantes. Quel témoignage sur la pérennité de l'Empire. À l'intérieur, la boutique était petite et sombre. Un comptoir étroit, dans le sens de la longueur, divisait l'ensemble en deux parties. Du côté le plus proche de l'entrée, trois paravents en bois formaient quatre guérites dans lesquelles les clients entraient lorsqu'ils étaient occupés à faire des affaires. Jacob, sage, rusé et rongé par une éternelle toux, rôdait derrière le comptoir, se disputant sans cesse avec ses clients et les trompant en toute occasion. Il ne donnait jamais la valeur d'un article mis en gage. Il se battait pour chaque centime, et même, lorsqu'il obtenait la marchandise à son prix, il rechignait à la payer, car chaque pièce qu'il déposait était une goutte de sang arrachée à son cœur flétri. Il sortait rarement de l'échoppe, il ne se mêlait jamais à ses semblables, et la journée de chicanerie terminée, il se retirait invariablement dans un arrière-salon lugubre, dont le principal ornement était un gigantesque coffre-fort encastré dans le mur. C'est là qu'il comptait ses gains et qu'il voyait les clients douteux, non recevables dans la boutique, qui venaient furtivement se débarrasser des marchandises volées. C'est là aussi que, dans ses moments de détente, il conversait avec le seul ami qu'il possédait à Carbis Crescent et même à Londres. Jacob ne risquait pas de devenir populaire. Cet ami particulier était un avocat nommé Vark, qui menait des affaires louches, d'une manière louche, pour des clients louches. Son nom, comme il le déclara lui-même, prouvait qu'il était d'origine polonaise, mais il était communément rapporté dans le quartier que Var crimait avec Shark, requin, illustrant l'estime dans laquelle il était tenu. Il n'était détesté qu'à un degré moindre que Jacob, et tous deux, liés principalement en tant qu'avocat et client, avaient par la suite noué une amitié méfiante en raison de leur réputation mutuelle et de leur isolement. Aucun des deux ne croyait en l'autre. Chacun essayait d'escroquer son ami sans jamais y parvenir. Cependant, ils se rencontraient tous les soirs et parlaient de leurs diverses friponneries dans le salon miteux avec une confiance engendrée par une connaissance intime de leur caractère réciproque. Leur réputation était si mauvaise que nul n'osait trahir l'autre. Ce n'est que sur cette base que l'honneur est possible entre voleurs. Tard, dans une nuit brumeuse de novembre, Jacob était assis avec son acolyte près d'un petit feu qui brûlait faiblement sous une grille de fer rouillé. Le vieux prêteur sur gage faisait bouillir du gruau et Vark, avec sa propre bouteille de gin à côté de lui, en buvait un verre mélangé avec un peu d'eau. M. Dix fournissait ce dernier breuvage qui ne coûtait rien, mais Vark, selon une entente qui datait du début de leur connaissance, apportait toujours sa propre liqueur. Une bougie, placée dans un chandelier d'argent, un article mis en gage, était posé sur la table de négociation et offrait une lumière misérable. Le brouillard de l'extérieur s'était infiltré dans la pièce, de sorte que le duo était assis dans une atmosphère brumeuse, à peine éclairée par la chandelle. Un tel inconfort, une telle misère, n'était possible que dans un établissement miteux comme celui de Jacob. Bark était une petite créature maigre et frétillante, ressemblant plus à un ver qu'à un homme fait à l'image de son créateur. Il avait un nez pointu, un visage boutonneux et deux yeux sournois de poisson, verts comme ceux d'un chat. Sa tenue était d'un noir rouillé, avec un petit, très petit morceau de lin. Il se frottait les mains l'une contre l'autre en faisant une révérence chaque fois que Jacob émettait une remarque entre deux quintes de toux. M. Dix toussait dans une robe de chambre riche, mais délavée, vestige d'un dandy de la Régence, et chaque quinte menaçait d'ébranler sa frêle silhouette. Mais l'ancien était merveilleusement résistant et s'accrochait à la vie avec une sorte de courage désespéré, même si Dieu seul sait quel attrait le vieux scélérat trouvait dans son existence sordide. Cette ténacité n'était pas approuvée par Bark, qui avait fait le testament de Jacob et souhaitait maintenant que son client meure afin qu'il puisse, en tant qu'exécuteur testamentaire, mettre la main sur la richesse que Dix était censé posséder. L'héritier de ses fonds avait disparu et Bark était bien décidé à ne jamais le retrouver. Pendant ce temps, avec de nombreux plans en tête, il se tenait près de Jacob et le regardait tousser sur son gruau. « Oh, mon pauvre !» soupira M. Bark, parlant de son client à la troisième personne, comme il le faisait invariablement. « La toux de M. Dix est mauvaise ce soir. Pourquoi n'essaie-t-il pas de goûter du gin pour s'humidifier la gorge ?»« Je ne peux pas me le permettre, » croissa Jacob en versant le gruau dans un bol. « Le gin vaut de l'argent, et je n'en ai pas. Faites-moi un cadeau d'un verre, monsieur Bark, juste pour montrer que vous êtes content de ma compagnie. » Bark se plia de très mauvaise grâce à cette demande et versa le moins possible de liquide dans le bol qui lui était tendu. « Quel homme attachant, » dit l'avocat en souriant, « si convivial, si plein d'entrain. » « À ton esprit !» rétorqua Jacob en buvant son gruau. « Quel esprit ! » s'écria Bark en tapant sur ses maigres genoux. « C'est mieux que guignol !»« Gin au gruau !» dit Dix, encouragé par cet éloge. « Toi, toi, je vais mourir de rire. J'ai payé pour pire que ça au théâtre. »« Idiot que tu es !» grogna Jacob en prenant les pinces. « Tu ne devrais pas payer pour quoi que ce soit. Tiens, sors de là. Je vais éteindre le feu. Je ne vais pas gaspiller ce charbon coûteux pour te réchauffer. » « Et la bougie est à moitié brûlée !» conclut Jacob avec dépit. « je m'en vais !» dit Vark, en glissant sa bouteille dans sa poche. « Mais quitter cette agréable compagnie, quelle déchirure !»« Tiens, arrête ça, espèce de triple buse !»« Mon fils n'a-t-il pas déjà répondu à cette question ?»« Le fils de M. Dix n'a pas envoyé une ligne à son parent affligé !» ajouta l'avocat. « Oh, quel rejeton au cœur de pierre !»« Tu as raison, mon vieux !» murmura Jacob d'un air sombre. « Jimmy me laisse mourir tout seul, qu'il soit maudit. »« Alors, pourquoi lui laisser ton argent ?» dit Vark, cessant l'usage de la troisième personne, comme il le faisait toujours lorsqu'il s'agissait d'affaires. « Pourquoi, idiot ? Parce que c'est le fils de Hagar, le mauvais fils d'une bonne mère. »« Hagar Stanley ? ta femme tzigane, hein, monsieur Dix ?» Jacob acquiesça. « Une robe au sang pur, je l'ai rencontrée quand j'étais un charlatan. Un camelot, j'ai mis Barque, quel esprit. Elle m'accompagne à Londres quand je me suis installé ici, » continua Jacob, sans tenir compte de l'interruption. « Et la ville l'a tuée. Elle ne pouvait pas respirer entre les briques et le mortier après l'air libre de la route. Elle est morte, pauvre âme morte. Il m'a laissé Jimmy, Jimmy, qui m'a abandonné. » Barre commença à dire « Tu exagères. » Mais voyant à l'air féroce de Jacob que les compliments sur l'épouse décédée ne seraient probablement pas bien accueillis, il changea de ton. « Il va dépenser ton argent, monsieur Dix. Laisse-le, Agar est morte, et quand je mourrai, laisse-le faire. Mais, mon généreux ami, si tu me donnais plus de pouvoir en tant qu'exécuteur testamentaire, tu t'accaparerais mon argent ?» interrompit Dix avec ironie. « Tu parles, si je le sais, espèce de requin. Ton devoir est d'administrer les biens de Jimmy, conformément à la loi. Je te paye pour ça. » « Mais si peu, » gémit Vark en se levant, « si tu... » À cet instant, on frappa brusquement à la porte de la boutique, et les deux brigands, redoutant toujours une descente de police, se regardèrent l'un l'autre, figés par la terreur. Vark, qui prenait toujours soin de sa peau, arracha son chapeau et se dirigea vers la porte de derrière, d'où, dans le brouillard, il pouvait gagner sa propre maison sans être inquiété et sans être vu. Comme un fantôme, il disparut, laissant Jacob immobile jusqu'à ce qu'il soit réveillé par un nouveau coup. « Ça ne peut pas être des cognes, » murmura-t-il en sortant pistolet d'une armoire, « mais ça peut être des voleurs. »« Eh bien, si c'est... » Il sourit d'un air sinistre et, sans terminer sa phrase, se dirigea vers la porte, entraînant les pieds, une bougie à la main. On frappa une troisième fois, tandis que l'horloge de la boutique sonnait 11 heures. « Qui est là si tard ?» demanda vivement Jacob. « C'est Agar Stanley. » Avec un cri de terreur, M. Dix laissa tomber la chandelle et, dans l'obscurité, s'écroula à son tour. Pour l'instant, tant ses pensées étaient tournées vers la défunte femme, la mention inattendue de son nom lui fit croire qu'elle se tenait, rigide, dans son linceul, de l'autre côté de la porte. Une frêle cloison entre les vivants et les morts. C'est terrible. « Le fantôme d'Agar !» murmura Dix, pâle et tremblant. « Pourquoi a-t-elle sorti de sa tombe ?» Il était si cher, maçonné avec une pierre tombale en marbre. « Laisse-moi entrer, laisse-moi entrer, monsieur Dix !» s'écria la visiteuse en frappant de nouveau. « Elle ne m'a jamais appelé par ce nom, » dit Jacob rassuré, et se précipitant sur la bougie. Puis l'ayant allumée, il ajouta à haute voix, « Je ne connais personne qui s'appelle Agar Stanley. Ouvrez la porte et vous ferez sa connaissance. Je suis la nièce de votre femme. » « De la chair et du sang, » dit le vieil homme, en tâtonnant la serrure, « cela ne me dérange pas. » Il ouvrit la porte, et dans le brouillard et l'obscurité, une jeune fille d'une vingtaine d'années entra dans la boutique. Elle était vêtue d'un habit rouge foncé, fait d'une étoffe grossière et portait par-dessus un court manteau noir. Ses mains étaient nues, ainsi que sa tête, à l'exception d'un mouchoir écarlate, négligemment roulé autour de ses magnifiques cheveux noirs. Le visage était du vrai type roman oriental, avec son contour et sa teinte, avec des sourcils arqués sur de grands yeux sombres et une bouche aux lèvres fines, joliment modelée, sous un nez délicatement incurvé. Le visage et la silhouette étaient ceux d'une femme qui avait besoin de palmiers, de sable du désert et d'un soleil doré, chaud et étouffant, pour constituer un décor approprié. Pourtant, cette beauté orientale était sortie du brouillard comme une princesse syrienne défunte, et s'était présentée dans toute sa riche beauté aux yeux ébahis du vieux prêteur sur gage. « Alors, tu es la nièce de ma défunte Agar ?» dit-il en la regardant avec sérieux dans la mince lumière jaune de la bougie. « Oui, c'est vrai. Elle te ressemblait quand je l'ai rencontrée à New Forest. Que veux-tu »« De la nourriture et un abri, » répondit sèchement la jeune fille. « Mais vous feriez mieux de fermer la porte. Cela pourrait nuire à votre réputation si un passant vous voyait parler à une femme à 7 heures de la nuit. » « Ma réputation !» ricana Jacob en fermant et en verrouillant la porte. « Seigneur, c'est du passé. Si tu savais à quel point elle est mauvaise, tu ne serais pas venu ici. »« Oh, je peux me débrouiller toute seule, monsieur Dix, d'autant plus que vous avez l'âge d'être 2 fois mon arrière-grand-père. »« Allons, allons, un peu de respect, jeune femme. »« Je suis poli avec ceux qui sont polis avec moi, » répliqua Agar en prenant la bougie des mains de son hôte. « Allez, monsieur Dix, faites-moi entrer. » « Je suis fatigué et j'ai envie de dormir. J'ai faim et je veux manger. vous devez me donner le gîte et le couvert. Infernale insolence, jeune femme, pourquoi le ferais-je? Parce que je suis de la même famille que votre défunt Agar. Oui, oui, il y a du vrai là-dedans, marmonna Dix. Et dominé, malgré son obstination inhérente, par l'esprit impérieux de la jeune fille, il la conduisit dans le salon miteux. Là, elle enleva son manteau et s'assit, tandis que Jacob, dans un esprit d'hospitalité inhabituel, provoqué par la mention de sa défunte femme, préparait quelques victuailles grossières. Sans mot dire, il plaça les mets devant son invité. Sans mot dire, elle mangea et fut rafraîchie. Jacob s'émerveilla de l'aplomb de la tzigane et fut plutôt satisfait de son audacieuse froideur. Ce n'est que lorsqu'elle eut fini le dernier morceau de pain et de fromage qu'il prit la parole. Sa première remarque fut sèche et grossière, à juste titre. « Tu ne peux pas rester ici, » dit l'aimable vieillard. La jeune fille répliqua. « Je peux et je vais le faire, monsieur Dix. »« Pour quelle raison, espèce de borienne ?»« Pour plusieurs et toutes bonnes, » dit Agar, en appuyant son menton sur ses mains et en regardant fixement son visage ridé. « Je sais tout de vous par un Romanichel qui est venu ici il y a 6 mois. Votre femme est morte, votre fils vous a quitté, et vous vivez seul ici, détesté et haï de tous. Vous êtes vieux, faible et solitaire, mais vous êtes, par votre mariage, apparenté au gentilhomme. C'est pour cette raison, et parce que je suis du sang de votre défunte princesse, que je suis venu m'occuper de vous. Jézabel, enfin, si je te laisse faire. Oh, vous me laisserez faire assez vite, répondit la femme avec insouciance. J'ai entendu dire que vous étiez avare. Vous ne perdrez donc pas l'occasion d'avoir une servante gratuitement. Une servante, toi ? Dit Dix, admirant son air impérial. Et alors, monsieur Dix ? Je m'occuperai de vous et de votre maison. Je nettoierai, cuisinerai et raccommoderai. Si vous m'apprenez votre métier, je conclurai un marché avec n'importe qui, et aussi fermement et rapidement que vous le feriez vous-même. Et toutes ces choses, je les ferai pour rien. Il y a le manger et le logement, espèce de scélérate. Donnez-moi du pain sec et de l'eau froide. Votre toit pour me couvrir et un ballot de paille pour dormir. Tout cela ne vous coûtera pas grand-chose et je ne demande rien de plus, vieux grippe-sous. Comment oses-tu m'appeler ainsi, espèce de tigresse? C'est comme ça qu'on vous appelle ici, dit Agar en haussant les épaules. Je crois que ça vous va parfaitement. Eh bien, monsieur Dix, j'ai fait mon offre. Je ne l'ai pas encore acceptée, rétorqua Jacob, intrigué par la jeune fille. « Pourquoi viens-tu à moi? Pourquoi ne restes-tu pas avec ta tribu ?»« Je peux vous expliquer cela en 5 minutes, monsieur Dix. Nous, les Stanley, sommes en ce moment même dans le New Forest. Vous le savez. »« Évidemment, jeune fille, » dit Dix tristement. « C'est là que j'ai rencontré ma Agar. »« Et c'est de là que je viens, moi, la deuxième Agar, » répondit-elle. « J'étais avec ma tribu et j'étais heureuse jusqu'à l'arrivée de Goliath. »« Goliath ?» demanda Jacob, dubitatif. Il est à moitié gadjo et à moitié tzigane, un méchant aux cheveux roux qui a choisi de tomber amoureux de moi. Je l'ai détesté, je le déteste encore. La poitrine de la femme se soulevait et s'abaissait en allaitement bref et précipité. Et il m'aurait forcé à devenir sa femme. Pharaon, vous savez, notre roi, m'aurait aussi obligé à être la princesse de cet homme. Je n'avais personne pour me protéger et j'étais malheureuse. Je me suis alors souvenu de ce que le camarade m'avait dit au sujet de vous, qui était marié avec l'une d'entre nous. Je me suis donc enfui ici pour vous protéger et pour être votre servante. Mais Goliath, ce méchant rouquin, il ne sait pas où je suis allé. Il ne me trouvera jamais ici. Laissez-moi rester, monsieur Dix, et être votre servante. Je n'ai nulle part où aller, personne à chercher, si ce n'est vous, l'époux de la défunte Agar, dont je porte le nom. Dois-je rester ou partir, maintenant que je vous ai dit la vérité ? Jacob regarda pensivement la jeune fille et vit des larmes briller dans ses cils épais, bien que sa fierté les empêchât de tomber. Touché par son impuissance, soucieux de sa femme qu'il avait tant aimée et conscient de l'avantage de posséder une esclave blanche en qui il pouvait avoir confiance, l'astucieux vieillard prit sa décision. « Reste, » dit-il calmement. « Je verrai si tu m'es utile, utile et fidèle, ma fille. Alors le pain et le lit seront à toi. » « C'est une bonne affaire, » dit Agar, avec un soupir de soulagement. « Maintenant, vieil homme, laisse-moi reposer en paix. Je suis fatigué et j'ai parcouru beaucoup de kilomètres. » C'est ainsi que Agar arriva chez le prêteur sur gage, et c'est pour cette raison que Bark, à son grand étonnement, trouva une femme et qui plus est, une femme jeune et belle, établie dans la maison de Jacob Dix. La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans le voisinage, et l'on raconta de nouvelles histoires sur Dix et sa gouvernante, dont, disait-on, on ne devait pas attendre grand-chose. Mergar ne se souciait pas des mauvaises langues, pas plus que le vieil homme. Sans la moindre étincelle d'amour ou d'affection entre eux, ils travaillaient ensemble sur la base d'un intérêt mutuel, et Agar le servit fidèlement tout au long de la vie de Jacob. Vark s'interrogea. L'existence de la jeune fille n'était pas facile. Jacob était un maître dur qui lui faisait payer cher le gîte et le couvert. Agar récurait les murs et les sols, raccommodait les robes mises en gage qui le nécessitaient, et préparait les repas frugaux de son maître et d'elle-même. Le vieux prêteur sur gage lui apprit à déprécier les articles apportés en gage, à marchander avec leurs propriétaires et à arracher les derniers sipens aux misérables qui venaient racheter leurs gages. Peu de temps, Agar devint aussi intelligente que Jacob lui-même, et celui-ci ne craignit jamais de lui confier la tâche de faire des affaires ou de s'occuper de la boutique. Elle acquit une connaissance des tableaux, des pierres précieuses, de l'argenterie, de la porcelaine, en fait, toutes les informations nécessaires à un expert. Sans le savoir, la tzigane autodidacte était devenue une connaisseuse. Il fallut toute la patience d'Agar pour supporter également le sort qu'elle avait choisi. Son lit était dur, sa nourriture maigre et la langue acérée du vieillard l'aiguillonnait sans cesse par son amertume. Jacob, en effet, sûr de son esclave, puisqu'elle n'avait d'autre toit que le sien pour la couvrir, exerçait toutes les mesquineries d'un tyran. Il déversa sur elle toute la rage qu'il ressentait contre le fils qui l'avait abandonné. Une fois, il alla jusqu'à tenter de la frapper. Mais un seul regard des yeux féroces de Agar le fit changer d'avis, et par la suite, Jacob, intimidé dans sa tyrannie, ne leva plus jamais la main sur elle. Il voyait bien qu'une fois réveillé, le diable chez cet enfant de la race libre des tziganes, il ne pourrait plus le museler. Mais la violence réelle mise à part, la vie d'Agar était aussi misérable que peut l'être celle d'un être humain. Étouffée dans l'étroite boutique du quartier surpeuplé, elle aspirait parfois à la vie libre de la route. Ses pensées évoquaient les bois verts, si frais et ombragés en été. Elle s'attardait sur la lande brune, solitaire à la lueur des étoiles, avec la flamme rouge du feu de tzigane, qui projetait des ombres fantastiques sur la caravane et la tente. Dans l'obscurité de la nuit, elle murmurait les mots étranges du dialecte tzigane, comme une incantation pour forcer la mémoire. Pour elle-même, tout en arrangeant les curiosités de la vitrine, elle chantait des fragments de chansons roms dans des tonalités mineures. La nostalgie de la nature sauvage, du campement et des routes de campagne, la torturait pendant les chaleurs de l'été. Et quand l'hiver s'installait, elle se languissait du souffle glacial des vents balayant les landes chargées de neige, sur les étangs figés dans l'étreinte froide de la glace lisse et vitreuse. Au monde de piété, elle était une exilée de son paradis rêvé de liberté itinérante. Pour ne rien arranger, Vark tomba amoureux d'elle. Pour la première fois dans sa vie stricte et égoïste, une passion divine touchait l'âme grossière de l'avocat des voleurs. Ravi par la sombre beauté de la jeune fille, dominé par son esprit indompté, étonné par sa clarté d'esprit et son jugement infaillible, Vark souhaitait posséder ce trésor. Il y avait aussi une autre raison à l'offre de mariage qu'il fit, et c'est cette raison qu'il exprima lorsqu'il demanda à Agar de devenir sa femme. Il fallut 12 mois à Vark pour se décider, et l'on devina sa colère lorsque Agar lui opposa un refus immédiat. Le misérable ne pouvait croire qu'elle était sérieuse. « Oh, ma chère, ma douce Agar, gémit-il en essayant de lui serrer la main, tu ne dois pas avoir entendu ce que ton esclave a dit. » Agar, qui raccommodait de la dentelle et s'occupait de la boutique en l'absence de Jacob, leva les yeux avec un sourire méprisant. « Ce terme que vous utilisez en plaisantant, dit-elle tranquillement, je le suis en réalité. Il y a un an, je me suis vendu comme esclave pour une vie de misère. Voulez-vous épouser une esclave, monsieur Vark ? Oui, oui, alors tu n'auras plus besoin de travailler comme une servante. Je préférerais être une servante plutôt que votre femme, monsieur Vark. Cette fille est folle, pourquoi ? Parce que vous êtes une canaille. » Vark sourit aimablement, nullement troublé par ce franc-parler. « Ma Cléopâtre, nous sommes tous des canailles dans ces régions. Jacob dit que c'est mon maître. » Interrompit vivement Agar. « Laissez-le donc tranquille. Mais quel avantage comptez-vous tirer de cette offre, mon ami, si je l'accepte ? Vous ne me demandez pas d'être votre femme sans motif. »« Mais c'est bien vrai, ma belle. s'esclaffa Bark. « Seigneur, comme tu as rusé, le motif est double, une part d'amour. »« Nous ne dirons rien à ce sujet. Vous ne savez pas ce que c'est que l'amour. L'autre motif, l'argent. » dit Bark sèchement, avec concision. « Hum, répondit Agar avec ironie. « L'argent de M. Dix ? Quelle perspicacité !» dit l'avocat en se tapant le genou. « Ma parole, en voilà de l'intelligence. » « Nous passerons sur les compliments habituels, Monsieur Bark. Comment l'argent de Monsieur Dix va-t-il vous profiter par mon intermédiaire ?»« Mais, » dit Bark en clignant ses yeux verts, « le vieux s'est pris d'affection pour toi, ma chère, et toute la disposition qu'il avait pour moi, il te l'a donnée. Avant ton arrivée, il a fait un testament en faveur de son fils disparu, et m'a nommé exécuteur testamentaire. Maintenant qu'il voit à quel point tu es doué, il a fait un nouveau testament. Pour me laisser tout l'argent, je suppose ?» C'est un mensonge. C'est un mensonge, répliqua Bark, mais un mensonge que je n'allais pas te dire. Non, l'argent est toujours laissé au fils, mais tu es l'exécutrice testamentaire en vertu du Nouveau Testament, tu comprends? Non, dit Agar en repliant son travail, je ne comprends pas. Si je t'épouse, je gérerai les biens en ton nom, au profit de l'héritier disparu. Alors? C'est justement cela, dit Bark, en posant un doigt maigre sur son genou, l'héritier disparu. Tu ne comprends pas? Nous n'avons pas besoin de le chercher. Nous pouvons donc garder l'argent entre nos mains et faire de jolis bénéfices. Agar se leva et sourit d'un air sombre. C'est un beau projet, digne de vous, dit-elle avec mépris. Mais il y a deux obstacles. Je ne suis pas votre femme et je suis une honnête fille. Tournez-vous vers une de vos clientes, Monsieur Bark. Je ne suis pas à vendre. Lorsqu'elle s'éloigna, Bark se renfrogna. Lui-même canaille, et il ne comprenait pas cette honnêteté qui s'opposait à son propre profit. Se mordant les doigts, il fixa Agar et se demanda comment il pourrait l'attraper dans son filet. Si ce vieil avare en faisait son héritière, pensait-il, elle n'aurait aucun scrupule à prendre l'argent, et si elle l'avait, je la forcerais à devenir ma femme. Mais Jacob est décidé à donner toute sa fortune à ce fils ingrat, qui a si souvent souhaité la mort de son père. Ah, soupira Bark en se frottant les mains, j'aimerais pouvoir prouver qu'il a essayé de tuer le vieil homme. Jacob ne lui laisserait alors pas un sou, et Agar devrait avoir l'argent, et je l'aurai. Quel beau rêve! Pourquoi ne se réalise-t-il pas? C'était un si beau rêve qui offrait de telles possibilités d'opérations crapuleuses que Bark se mit aussitôt à l'œuvre pour le traduire en fait réel. Il possédait un grand nombre de lettres et de factures de Jimmy, qui avait l'habitude de s'adresser à lui pour obtenir l'argent refusé par le paternel Dix. Comptant sur la mort du vieillard, Bark avait prêté au fils l'argent nécessaire à sa prodigalité, moyennant un fort pourcentage, et comptait se rembourser sur la succession. Maintenant qu'Agar devait gérer l'argent à sa place, il pensait qu'il pourrait y avoir quelques difficultés à propos de son usure, en raison de l'honnêteté absurde de la jeune fille. Il décida donc de donner des preuves à Jacob que le fils disparu avait voulu se débarrasser d'un père gênant par un meurtre secret. Une fois cette idée en tête, Dix pourra laisser sa fortune à Agar. L'héritière serait alors courtisée et gagnée par l'habile et intrigant M. Bark. C'était une belle idée et très simple. Parmi ses nombreux clients louches, Bark en possédait un qui était un habile faussaire et qui se retirait parfois dans l'une des prisons de Sa Majesté pour avoir trop souvent exercé ses talents d'artiste. En ce moment, il était en liberté. Bark lui donna une liasse de lettres de Jimmy et le brouillon d'un mémorandum qu'il souhaitait voir reproduit avec l'écriture de l'héritier absent. Une fois ce document prêt, Bark saisit l'occasion et le glissa dans une jarre chinoise située dans le salon du fond, dans laquelle il savait que Jimmy avait l'habitude de conserver du tabac. Ce récipient se trouvait sur une haute étagère et Jacob n'y avait pas touché depuis le départ de son fils. Bark, en bon filou qu'il était, s'en assura par la poussière épaisse et intacte qui recouvrait le pot et l'étagère. Le piège étant ainsi préparé, il ne restait plus qu'à y faire tomber Jacob, ce que M. Bark s'employa à faire de la manière la plus habile qui soit. Il comptait bien réussir, mais il avait négligé un élément indispensable, à savoir l'aide de Agar. Mais comme il avait conçu le projet avant tout pour elle, il n'avait jamais pensé qu'elle refuserait d'en favoriser l'exécution. Cet aveuglement montrait qu'il était incapable d'apprécier ou même de comprendre l'honnêteté de la jeune fille. Selon son habitude, il vint un soir s'entretenir avec Jacob. La pièce, avec sa bougie solitaire, son feu éteint et son atmosphère brumeuse, était la même que la nuit où Agar était arrivée, à ceci près qu'à présent, Agar elle-même était assise près de la table, en train de coudre. Elle fronça les sourcils lorsque Bark entra en titubant dans la pièce, mais après l'avoir salué d'un léger hochement de tête, elle ne fit plus attention à la canaille souriante. Bark sortit sa bouteille de gin et s'installa près du feu, en face de Jacob, qui ce soir-là paraissait très vieux et faible. Le vieil homme dépérissait rapidement, et il était plus querelleur et grincheux que jamais. Comme d'habitude, il demanda à Bark si Jimmy avait répondu à l'annonce, et comme d'habitude, il reçut une réponse négative. Jacob gémit. « Je mourrai cet hiver, » dit-il, le visage sombre, « et personne ne sera là pour me fermer les yeux. »« Qu'est-ce que j'entends, Monsieur Dix, dire ?» s'écria Bark en souriant. « Il oublie notre belle Agar. » »« Agar est très bien, mais elle n'est pas Jimmy. » Peut-être que si notre cher ami savait tout, il serait heureux qu'elle ne le soit pas. Agar leva les yeux, surprise par le ton marquant de Bark, et Jacob se renfrogna. « Qu'est-ce que veut dire, espèce de requin ? » demanda-t-il, une lueur apparaissait dans ses yeux délavés. « Ce que je veux dire, » répondit l'avocat, en attirant l'attention du vieux prêteur sur gage, « que Jimmy est une crapule. »« Je le sais, mon vieux, » s'emporta Jacob, « il veut ton argent. »« Je le sais aussi, il souhaite ta mort, c'est probable. » répliqua Jacob en hochant la tête. « Mais il s'est contenté de me laisser mourir à mon rythme. »« Je n'en suis pas si sûr, je n'en suis pas si sûr. » Devinant que Vark avait en tête quelques projets qu'il s'efforçait de mener à bien, Agar laissa tomber sa couture et le regarda avec insistance. Pendant que Vark parlait, elle le vit jeter un coup d'œil à la jarre chinoise et se demanda mentalement quel rapport cela pouvait avoir avec le sujet de la conversation. Sur ce point, elle fut bientôt éclairée. « Bark, » dit Dix sérieusement, « vas-tu me dire que Jimmy voulait me tuer ?» L'avocat leva les mains, horrifié. « Oh, mon cher, tu me comprends si mal, » dit-il d'un ton piteux. « Jimmy n'est pas si mauvais que cela, mon vénérable ami, mais si quelqu'un d'autre t'avait mis hors d'état de nuire, il ne l'aurait pas regretté. »« Tu veux parler d'Agar ? Qu'il ose le dire ?» s'écria la jeune fille en se levant d'un bond, les yeux enflammés. « Je ne connais pas votre fils, monsieur Dix. »« Quoi ?» dit Bark doucement. « Tu ne connais pas Jimmy le rouquin ?» Agar s'assit, le visage pâle. Elle murmura. « Les cheveux roux ? Goliath ? Non, c'est impossible !» Bark fixa Agar, qui lui rendit son regard. Avec la sénilité de la vieillesse, Jacob avait cessé de prendre part à la conversation et fixe avec humeur le feu misérable, créature tremblante et paralysée. L'idée évoquée par Bark, à savoir qu'Agar avait été employé par Jimmy pour le détruire, avait tellement abruti son cerveau qu'il était même incapable d'exprimer une opinion. Voyant cela, l'avocat s'éloigna de ce sujet dangereux pour mettre à exécution la seconde partie de son plan. « Oh mon Dieu » dit-il en fouillant dans ses poches. « Ma pipe est vide et je n'ai pas de tabac sur moi. »« Alors partez en chercher, monsieur Bark, » dit Agar d'un ton sec. « Il n'y a pas de tabac ici. »« Oh oui, je pense qu'il y en a dans ce bocal, » dit l'avocat en pointant un doigt maigre vers la haute étagère. « Le bocal de Jimmy. Laisse le pauvre Jimmy tranquille, » marmonna Jacob sauvagement. « Quoi ? Monsieur Dix ne refusera pas une petite pipe de tabac à son vieil ami ?» gémit Bark en se dirigeant vers l'étagère. « Oh, j'en suis sûr. » Et sur ce, l'un de ses longs bras s'élança vers le haut pour s'emparer du pot. Jacob se leva d'un pas chancelant, tandis que Bark décrochait l'article, et il se renfrogna férocement devant le dasse de son visiteur. Indifférente à ce qui se passait, Agar continue à coudre. « Laisse ce pot tranquille, je te dis !» grogna Dix en saisissant le tisonnier. « Sinon, je vais te casser la tête !»« De la violence, et de la part du gentil monsieur Dix !» s'écria Bark, qui tenait toujours la jarre. « Oh non, non, pas du tout !» S'il, à ce moment-là, Jacob perdit patience et asséna un coup en direction de la tête de l'avocat. Toujours vigilant, Bark se jeta de côté et le tisonnier s'écrasa sur la jarre qu'il tenait dans ses mains. En un instant, elle gisait en pièces sur le sol, un tas de porcelaine brisée, un morceau de tabac séché et un papier plié négligemment. « Vois ce que ta colère a fait !» dit Bark, en montrant les débris d'un air de reproche. « Tu as cassé la jarre de ce pauvre Jimmy !» Jacob jeta le tisonnier dans l'âtre et se pencha pour ramasser le papier plié qu'il ouvrit machinalement. Toujours méthodique, Agar sortit de la pièce pour aller chercher une pelle et un balai. Avant qu'elle n'ait pu les rapporter, elle fut rappelée par un cri de Bark, et en revenant précipitamment, elle aperçut Jacob étendu sur le sol au milieu de la porcelaine brisée. Il s'était évanoui et le papier était encore dans sa main. « Apporte des sels !» s'écria Bark, dont les yeux brillaient devant le succès de son complot. Mon vénérable ami est malade. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Demanda Agar en détachant l'écharpe autour du cou du vieil homme. Moi, rien du tout, il a lu le papier qui est tombé de la jarre de Jimmy, ajouta Bark. Il s'est écroulé comme une masse. Il y avait sur la table une cruche d'eau dont Bark se servait pour diluer son gin. Agar en aspergea le visage ridé de son maître et lui tapa sur les mains. Bark regardait la scène d'un air plutôt inquiet. Il ne souhaitait pas que le vieil homme meure tout de suite et Jacob mettait longtemps à sortir le sapin moison. « Ce papier l'a fait s'évanouir, » dit Bark en le retirant de la faible poigne de Jacob. « Voyons ce qu'il dit. » Il en connaissait parfaitement le contenu, mais il le lut néanmoins à haute voix pour le bénéfice d'Agar. Voici ce qu'il y avait à l'intérieur. Pour extraire le jus de la digitale pourpre, un poison difficile à retracer, rien ne peut être prouvé après la mort. Mettre de petites doses quotidiennes dans le thé ou le gruau du vieil homme. Il mourrait en quelques semaines sans que l'on s'en doute. Ne faire confiance à personne, mais préparer le médicament moi-même. Agar regarda fixement Vark. « Qui a écrit cela ? » dit-elle à voix basse. « Le fils du vieil homme ou vous ?»« Moi ?» s'écria Vark avec une indignation bien simulée. « Pourquoi l'écrirais-je ? Ou comment pourrais-je l'écrire ?» L'écriture est celle de James Dix. Le mot est caché dans son pot à tabac. Le pot a été brisé par accident. Tu l'as vu toi-même. Tu oses ? Taisez-vous. Interrompit Agar en relevant la tête de Jacob. Il se ranime. Le vieux prêteur sourirage ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Peu à peu ses sens le revinrent et il se redressa. Puis avec l'aide d'Agar, il s'installa dans son fauteuil et commença à parler et à soupirer. « Le petit Jimmy veut que je meure, » gémit-il faiblement. « Le fils d'Agar veut me tuer. Le poison de la digitale, je le connais. Il ne laisse aucune trace après la mort. Le fils d'Agar, le fils d'Agar, parricide, parricide !» s'écria-t-il en brandissant ses deux poings en l'air. « Il voulait l'argent, tu sais, » laissa entendre Vark doucement. « Il n'aura pas l'argent !» dit Jacob avec énergie. « Je ferai un nouveau testament, je le déshériterai, parricide, Agar aura tout !»« Moi, monsieur Dix, non, non !» « Je dis que oui, espèce de borienne. Ne contrarie pas un mourant. Je suis mourant. C'est mon coup de grâce. Oh, Jimmy, Jimmy, c'est ma volonté, ma volonté. » Repoussant Agar, qui s'efforçait de le maintenir sur sa chaise, il saisit la bougie et se dirigea en titubant vers le coffre-fort pour y prendre son testament. Pendant qu'il regardait à l'intérieur, Vark s'empressa de fouiller dans ses vastes poches. Lorsque Jacob replaça la bougie sur la table, Agar y vit une feuille de papier couverte d'écriture, ainsi qu'une plume et de l'encre. Jacob, qui tenait le testament, vit également ces choses et anticipa la question que Agar allait poser. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?»« Ton nouveau testament, monsieur Dix, » expliqua Bark avec douceur. « Je n'ai jamais eu confiance en ton fils et je savais qu'un jour tu le démasquerais. J'ai donc préparé un testament pour lequel tu laisses tout à Agar. Ou bien, » ajouta l'avocat en sortant notre document de sa poche, « Si tu décidais de faire de moi ton héritier, toi, toi, jamais !» s'écria Jacob en serrant le poing. « Tout ira à Agar, l'homonyme de ma défunte femme. Je suis heureux que tu aies le bon sens de voir qu'à défaut de Jimmy, je lui laisserai mon argent. »« Monsieur Dix, » interrompit Agar avec fermeté, « je ne veux pas de votre argent et vous n'avez pas le droit de voler votre fils. »« Non, ce n'est pas vrai, espèce de borienne. L'argent est à moi, il sera à toi. » J'aurais pu tout pardonner à Jimmy, sauf son désir de m'empoisonner. Je ne crois pas qu'il l'ait souhaité, dit Agar sans embâge. Mais le papier de sa propre écriture, s'écria Bark. Oui, oui, je connais l'écriture de Jimmy, dit Jacob, les veines de son front se gonflant de rage. C'est un diable, un pari. La violence de son tempérament était telle que Agar s'avança pour le calmer. Même Bark se sentit alarmé. Tais-toi, vieux fou, dit-il rudement. Tu vas te rompre un vaisseau sanguin. Tiens, signe ce testament, j'en serai le témoin et... » Il s'arrêta et siffla bruyamment. Un homme apparut. « Voici un autre témoin, » dit Vark. « Signe. » « C'est un complot, s'écria Agar. « Ne signez pas, monsieur Dix, je ne veux pas de l'argent. »« Je vais te le donner quand même, effronté, » grognait Jacob en froissant le testament dans sa main. « Je ne laisserai pas Jimmy le parricide. Je vais d'abord détruire ceci. » Il s'approcha du feu avec le vieux testament et le jeta dedans. Avec la rapidité d'une hirondelle, Agar passa devant lui et arracha le document en flammes avant même qu'il ne soit brûlé. Jacob recula en titubant, fond de rage. Barque grinça des dents devant son opposition. Le témoin étranger regarda la scène d'un air impassible. « Non !» s'écria Gar en glissant le testament dans sa poche. « Vous ne déshériterez pas votre fils pour moi !» Jacob paniqua et, presque pantelant de rage, il tendit la main. Avant qu'il ait pu la retirer, il vacilla et tomba. Un torrent de sang s'écoula de sa bouche. Il était mort. « Imbécile ! » hurla Barque en trépignant. « Tu as perdu une fortune !»« J'ai sauvé mon honnêteté !» rétorqua Agar, effrayé par cette mort soudaine. « Jimmy aura l'argent !»« Jimmy, Jimmy !» ricana Barque, furieux. « Sais-tu qui est Jimmy ?»« Oui, l'héritier légitime. » « Tout à fait, toi, la Borienne et le Goliath Trou qui t'a conduit jusqu'à ce prêteur sur gage. C'est un mensonge, c'est la vérité. Tu t'es volé toi-même pour enrichir ton ennemi. » Agar regarda le visage narquois de Barque, le mort étendu à ses pieds, le témoin effrayé. Elle eut envie de s'évanouir. Mais craignant que Barque ne lui dérobe le testament qu'elle avait dans sa poche, elle se maîtrisa au prix d'un violent effort. Avant que Barque ne puisse l'arrêter, elle sortit précipitamment de la pièce et entra dans sa chambre. L'avocat entendit la clé tourner dans la serrure. « J'ai perdu la partie, » dit-il avec humeur. « Va chercher de l'aide, imbécile, » ordonna-t-il au témoin. Puis que l'homme se fut enfui, il continua. « Abandonner tout cet argent à l'homme roux qu'elle déteste, elle est folle !» Mais elle n'était qu'honnête, et sa conduite était donc inintelligible pour Barque. C'est ainsi que Agar Stanley prit la direction du monde de piété de Carbis Crescent à Lambeth. On lira plus loin les aventures qu'elle y a vécues.